そのコスプレは何だ。 おう、そういえば自己紹介がまだだったでげそ。私は海からの使者、イカ娘でげそ。 I want you, I want you, I need you, I need you, I love you, I love you, 大好きでゲソ。 J'adore les calamars depuis que je la connais. Ebidotation. Dans une plage japonaise, il y a une drôle de fille avec des ailerons et des tentacules bleus. Ça fait un peu hentai quand c'est dit comme ça, mais vous la verriez, vous gaga, vous seriez. Elle ne le sait pas, mais je suis accro à elle. Et pourtant, j'aime pas les poissons de mer. I got you, I got you, I got you, I got you, I got you, I got you, 大好きでゲソ。 C'est une militante de l'écologie. Faut pas jeter des ordures dans la mer. Fratachu, Fratachu, Rainbow Chu, Rainbow Chu, Rarichu, Rarichu, 大好きでゲソ。 J'me demande si elle aimerait bien Carlo. Ebidotation. Elle bosse dans un resto, elle sert des bières et de l'eau. Elle est aussi suivie par une fangirl et une américaine qui la prend pour une alien. Heureusement qu'elle sait nager et même voler. C'est une gameuse qui aime veiller tard sur une SNES. Je me demande si elle en a chez elle. I feel you, I feel you, adore you, adore you, show you you, show you you, 大好きでゲソ。 C'est pas un chapeau sur sa tête, c'est vraiment sa tête, ses ailerons. Ça fait bouger sur elle. Banachu, Banachu, Achokyu, Achokyu, Desachu, Desachu, Daisuki Degeso. C'est un bohéblop qui nous vient tout droit de la mer. Heavy Rotation. Elle n'est peut-être pas humaine, mais à quoi bon, c'est vrai, elle a un cœur grand comme la mer. Je ferai tout pour ses yeux bleus, bleus comme l'océan et les cieux. Je ferai gaffe à notre planète. Pichu, Pichu, Pikachu, Pikachu, Raichu, Raichu, 大好きでゲソ。 J'adore les calamars et aussi les crevettes, mais plus vraiment dans mon assiette. I want you, I want you, I need you, I need you, I love you, I love you, 大好きでゲソ。J'adore les calamars depuis que je la connais. Ebidotation.